On voit tout dans les yeux de quelqu'un. La joie, les pleurs. On voit nos gens partir. Mais on peut pas voir l'avenir. C'est dans les yeux de ceux que j'aime, je vois mon reflet. C'est dans les flammes que la haine emmène mes refrains. Les regards m'importent peu, en vrai de vrai, mais je sais, pour que ceux qui m'ont vu naître puissent en être fiers. C'est dans les yeux de ceux que j'aime, je vois mon reflet. C'est dans les flammes que la haine emmène mes refrains. Les regards m'importent peu, en vrai de vrai, mais je sais, pour que ceux qui m'ont vu naître puissent en être fiers. Y'a des yeux sur moi et dans leur rétine, il n'y a pas que des bonnes choses. Personne sauvera si tu déconnes trop, même pas la médecine. Pas grand monde au balcon quand Paname c'est Palestine et qu'il y a des armes. On lève les yeux au ciel quand c'est dur de retenir les larmes. On connaît le pire des cas, frère. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite le départ. Loin des bars et des yeux, loin de ces lieux où on fait parler le feu, où aucun ne je crois qu'il peut mourir vieux. Nique le regard des gens, loin dans l'ombre, t'entends tic-tac, j'suis une bombe à retardement. Si ces souffrances sont sombres comme une cave dans l'appartement, c'est maintenant qu'on émerge, mais y'a longtemps qu'on les crève. Je me rappelle quand on me disait que j'irais nulle part, que je mérite de faire du ch'tard. Aujourd'hui le futur parle mal, quand je passe tu me fies du regard. Moi faut que je fasse du vide et que je parte. Hal, mes idées sont noires, ma tune est dans le dark side. Et ouais t'es masque, on est devenu tout ce que j'ai bâti. Mes frères n'ont qu'un seul but, pile hall 26, j'ai pas changé d'avis. Loin des yeux, pas loin du cœur, t'es là où t'as bien voulu être. Et si tu me vois, je voudrais te rendre fier avant que je disparaisse d'un coup de maître. Et ouais les mecs, c'est vrai, tous les radars sont sur nous. Les regards sont sournois, j'ai bien fait de compter sur moi. Les images violentes à la guerre ont façonné ma rétine. Je crois que j'ai compris la ville après, j'avais encore ma tétine. C'est dans les yeux de ceux que j'aime, je vois mon reflet. C'est dans les flammes que la haine emmène mes refrains. Les regards m'importent peu, en vrai de vrai, mais je sais, pour que ceux qui m'ont vu naître puissent en être fiers. C'est dans les yeux de ceux que j'aime, je vois mon reflet. C'est dans les flammes que la haine emmène mes refrains. Les regards m'importent peu, en vrai de vrai, mais je sais, pour que ceux qui m'ont vu naître puissent en être fiers. L'usine, la secte, les six maillons d'une même chaîne, une corde à mille ficelles. C'est dans les yeux de ceux que j'aime que je trouve la force d'avancer ma gueule. C'est dans les yeux de ceux que j'aime que je vois si j'ai le talent pour y arriver. Parce que c'est dans leurs yeux que je retrouverai mon meilleur reflet dans les pires moments. Tu vois ce que je veux dire? On avance moins loin tout seul, frère. Personne veut vivre tout seul sur une planète. Et comment je serais si je suis bon dans ce que je fais si personne n'est là pour regarder? C'est-à-dire que le regard des gens peut déterminer beaucoup de choses, ma gueule. C'est pour ça, apprends à bien t'entourer, ma gueule. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir son reflet dans les yeux de quelqu'un qui ne t'aime pas. Et d'y croire. Zassen, usine avec un Z. Hein? Un mauvais regard peut transformer toute une vie. À force d'entendre, on finit par y croire et y voir la fin de l'histoire. Les regards sont importants, seulement si les gens sont importants. Les gens changent et heureusement, il est encore temps. Comme dit Michimila, si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à prouver. Surtout dans la vie, car sur scène, tout est doublé. Les yeux, ça parle beaucoup, ça compte tous les silences. L'échec est une réussite dans tous les sens de la science. Crois-moi, les gens changent quand les rétines sont braquées. Il n'y a que seul face à soi-même que le cœur n'est pas masqué. Les épaules plaquées, dos à l'enfer, le ciel est si beau. Assis sur un fil tendu avec une paire de ciseaux. Comme une foule qui s'écarte pour voir le clou du spectacle. Une pierre tombée dans l'eau, ça éclabousse avant de faire des vagues. Tant que la rose a ses pétales, elle garde toutes les attentions. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Sur le dessus. Usine. Usine avec un Z. Sur les petits du maire, la 300 Montreuil, Romainville, 93. Cherche pas plus loin ma gueule. Haut 26. Ouais. Tony Toxique. Ma souffrance. Tony Olva Kesso. Zassen. G.I. Joe. Sous l'intellect. Mon gars DPA. Mon gars Toons. Sur les petits. On est là.